Mesdames, messieurs, voulez-vous écouter maintenant Feu la mère de madame, pièce en un acte de Georges Feydeau, interprété par des acteurs de la comédie française, M. Pierre Bertin dans le rôle de Lucien, M. Meyer dans le rôle de Joseph, Mme Madeleine Renaud dans celui d'Yvonne et Mme Catherine Fontenay dans le rôle d'Annette. Intérieur modeste, mais avec une recherche d'élégance et de confort, luxe à bon marché, bibelot gentil mais sans valeur. Dans la pénombre de la chambre, uniquement éclairée par la veilleuse posée sur la table de nuit, Yvonne, couchée dans le lit, dort profondément. On entend le bruit léger et régulier de sa respiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé. Oh, ce que c'est bête de vous donner des palpitations pareilles, là. Faut que je me lève maintenant, mais oui, voilà, voilà. Oh, oui, bah tu vas bien me laisser le temps de mettre mon peignoir, puis d'enfiler mes pantoufles. Mais oui, voilà, voilà. C'est là. C'est moi. Ouvre, Yvonne, j'ai oublié ma clé. Oh, naturellement, eh ben, allez, entre. C'est agréable. Allez, dépêche-toi, là, et que je m'en remette au lit, je gèle, oh! Lucien paraît. Il est en perruque et costume Louis XIV, sous un imperméable fermé jusqu'au cou. Il a des gants blancs trempés aux mains, ses souliers sont crottés, et ses bas de même jusqu'au mollet. Son imperméable n'est qu'une large tache d'eau. Il a les mains empêtrées de son bougeoir allumé, de sa canne Louis XIV et de son parapluie. Son épée s'accroche dans la porte quand il franchit le seuil. Mmh. Eh ben, c'est pour demain? Voilà, demande pardon. Ouais. Oui, commutateur, hein, le voilà. Ouais, demande pardon, t'auras mieux fait. Pas oublier ta clé. Tu crois que c'est gai d'être réveillé comme ça en sursaut, là, quand on dort? T'es réveillé? Bah, évidemment, tu m'as réveillé. Tu penses pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci? Ah, bah, tant mieux. Comment, tant mieux? T'es content de m'avoir réveillé? Non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. On a un peu. C'est une vie de rentrer à cette heure-ci. J'ai pas pu trouver de fiacre. C'est un temps. Il n'y avait que des taxis pour Vaugirard ou le Château d'Eau. Mmh. On trouve jamais les taxis de son quartier. Sûr qu'il doit être des heures. Oh non, il est à peine... Attends! Comment, 10? Bah évidemment, on a perdu le retard de 10 minutes. Oh, c'est pas possible, le balabrola. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare... Oh, mais oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Minuit. Mais si, oh, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leur femme battent toujours la breloque. Oh, plus exagéré, voilà que je découche à présent. Enfin, c'était convenu que je rentrerais tard puisque j'allais au bal des Quatre-Arts. Je peux pourtant pas le quitter avant qu'il fût commencé. Eh ben, ça aurait mieux fait de pas y aller du tout. C'est ta place. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi au Quatre-Arts? En te voyant, toi, un homme marié. Oh, je t'assure qu'ils se sont pas occupés de moi. Ah, fais-toi attention. Quoi? Ton parapluie, là, tu es dans mon tapis. Ah, oh, puis ton chapeau, là, tu vois pas qu'il dégoûte, non? Je te demande pardon. Oh, pour même voir qu'il rigole, non? Il a bien de la chance. Oh, que de l'esprit. Oh non, la touche que tu as comme ça. Hein. C'est la pluie, quoi. Ah bah t'es jolie. Mais regarde-moi ça, c'est bas, mais d'où ça sort-il? Du magasin de blanc. Ah, ils peuvent y retourner. Oh là là là là. Eh ben enlève ton paletot, pour ne pas coucher avec. Ah oui, tu as raison, oui. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que t'as? J'ai froid. Ah, t'as froid, c'est ce que je te plaigne. Mais non, tu me demandes, alors je te dis. Ah, eh ben ça t'apprendra à faire la noce. Mais qu'est-ce que tu fais là dans la cheminée? J'essaye de me réchauffer. Il n'y a pas de feu? Il n'y a pas de feu. Ah oui, tiens, c'est vrai. Oui, on a l'habitude. C'est comme quand il y a du feu, c'est là qu'on le met. Alors, inconsciemment, comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions, je commençais déjà à me réchauffer. Ah, tu te réchauffes avec des illusions, toi. Ben, dorénavant, hein, mon vieux, ton feu. Oui, oh, la bataille. Ouais, pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans. Et déjà, monsieur lâche sa femme pour s'en aller au bal des Quatre-Arts. Je t'en prie, je suis fatigué, tu me feras une scène demain. Oh, je ne te fais pas de scène, je constate. Tu comprends pas qu'un homme a besoin pour ne pas s'encrouter de tout voir. De tout connaître pour former son esprit. Oh non, mais écoutez-moi ça. T'es caissier au Galerie Lafayette. C'est ça qui peut te servir pour ta profession de connaître le bal des Quatre-Arts. Pas caissier, je suis peintre. T'es peintre, tu barbouilles. Barbouille. Absolument, tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Ouais. Évidemment, je ne vends pas, la belle Malice. Je ne vends pas. Parce qu'on ne m'achète pas, ton sort. Ça n'avait déjà pas qu'une chose. Oh. Ma baignoire au Ricola. Oh, c'est drôle, oh, c'est spirituel, barbe. Hein. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi comme artiste, c'est tout naturel que j'aille chercher des sensations. Oh, allons, avoue que tu vas chercher des sensations. Après, c'est tout. Mais ne parle pas d'art. Oh, tu me cours, tiens. Non, mais... Dites-moi une, si je te cours. Cite-moi une de tes sensations d'art. Absolument, ne te lève donc pas, quoi, va te recoucher. C'est pas de réponse, cite-moi une de tes sensations d'art. Avec le choix. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée dans l'amphithéâtre. Oui. Oui, c'est pas seulement ce que c'est que l'amphithéâtre, quoi. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Ah, oui, ben je comprends. Ouais, se confond avec l'entérite, quoi. Ça ressemble pas. Mais on peut se tromper, non? Mais ben, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue. Toute nue, oui. C'est du propre. Ben justement, c'est ce qui te tombe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Ouais, ben je ferais ça, moi. Oh, ah, non, tu j'aime mieux me recoucher. Évidemment, c'est bête ce que tu dis là, toi. Ben quoi, une chose est inconvenante, ou elle ne l'est pas? Elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne et des seins, comme j'en ai jamais vu. Je te remercie. Quoi? C'est encore poli. Oh non, bon, tu vas encore formaliser, je dis pas ça pour toi. Évidemment, les tiens sont très jolis, mais en fait, ce sont tout de même pas des seins de modèle. Ah, vraiment? Non, mais reste donc couché, voyons. Mais tiens, regarde-les, qu'est-ce que tu leur reproches à mes seins? Qu'est-ce que tu leur reproches? Mais je ne sais pas, tiens, par exemple, là, tiens. Ah, c'est, je te dis sans y toucher. Va donc toucher ceux de la dame, puisqu'ils sont mieux que les miens. C'est bête. Ouais, allez, qu'est-ce que tu leur reproches? Mais peu de choses, même en dessous, ils sont très bien. Tu vois, là, je suis juste, hein. Mais au-dessus, là, ça creuse un peu. Ça. Alors, ça les fait légèrement en porte-manteau. Oh, porte-manteau! Ça, c'est trop fort! Allons. Ah, Annette, levez-vous! Quoi? Annette, vous entendez ce que je vous dis? Madame! Allez, debout! Comment, Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Eh ben oui, quoi, Annette? Oui, c'est Annette. Allez, arrête, celle-là, tu fais coucher la bonne dans mon lit, après. Oh, t'as voulu que je reste toute seule dans l'appartement pendant que toi, tu t'en vas faire la noce, non, merci. C'est un comble, alors, la bonne dans mon lit, où est-ce que je vais coucher, moi, là? Ben là, quoi, à côté. Avec la bonne? Quoi, la bonne, maintenant qu'elle est rentrée, eh bien, tu vas reprendre ton lit, puis elle le sien. Non, jamais de la vie, coucher dans ses draps. C'est pas ses draps, c'est les tiens. La coucher dedans, ça me suffit. Oh, naturellement. Si t'as vu cette coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins le dégoûter. Eh ben tiens. C'est moins mieux ça, hein? Non. C'est moins mieux ça, dis! Oh, la barbe, hein! Ah, voilà, allez, Annette, amenez-vous. C'est madame qui me demande. Oui, dis donc, vous ne savez pas ce que me dit monsieur? Non, madame. Il dit que j'ai les seins en porte-manteau. Oh, bien, madame. Pour lui raconter ça, que tu fais lever la bonne. Parfaitement, monsieur. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine, pour te prouver que tout le monde n'est pas de mon avis. Annette, qu'est-ce que vous me disiez l'autre jour? Vous savez, là, justement, à propos de ma poitrine. Je ne sais pas, madame. Mais si, voyons, j'étais en train de faire ma toilette. Je vous ai dit, c'est égal, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Ben, qu'est-ce que vous avez répondu? Oh, oui, j'ai dit ça, c'est vrai, madame. Quand je regarde la mienne à côté, on dirait de deux ans. Là, tu entends? Eh ben, quoi, qu'est-ce que ça pose jamais contester que tu es une gorge rare? Mais entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Ah, vraiment? Eh bien, désormais, tu pourras faire ton deuil de ma gorge. Oui, eh bien, écoute, tu sais... Ah, écoute, pas touche, hein? Ah, écoute assez, hein? Regarde pour d'autres. Ils sauront l'apprécier. Eh bien, c'est ça, garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras, pour le pape, si tu veux. Ah, non, hein, non. La patience qu'il faut avoir. Non, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, Annette? Non. Hein? Ben allez vous coucher! Ben, c'est pour ça qu'on m'a fait lever. C'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aurait aussi bien fait de me lâcher dormir. Bien, c'est bien, n'est-ce pas? On ne vous demande pas vos réflexions. Et puis tenez, puisque vous êtes levé, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Ah non, du tout. Elle l'a pris qu'elle le garde. Hein, je coucherai ici. Avec moi? Ah non. Oui, ben non. Tu coucheras où tu voudras, mais c'est le lit conjugal, tu y es droit. Bon, quoi, mais tu sais, hein, si tu t'imagines quoi que ce soit. Mais le doigt dans l'œil. Je te demande quelque chose. Ouais, bah, ça se trouve bien. Ouais, bah. Eh ben, allez vous coucher, vous, quoi? Oui, monsieur. Allez, la Joconde, allez. Oh, quelle voix. Ah, non, ça, c'est même un peu raide. Tu vas être excité là sur une autre, puis après moi, que ce soit moi qui... Ah, non, je ne joue pas les doublures, bah, tu comprends? Tu me diras ça demain, hein, je suis fatigué, ouais, couchons-nous. Oui, tu as raison, là, couchons-nous. Je vais discuter, je ferais bien mieux de dormir. Ouais, ben, c'est ça, allez. Ouais, et puis, prends pas toute la place, là. Oh. Ah, c'est égal. Pas fâché que la bonne t'ait rivé ton clou. Tu veux que je m'en aille, hein? Tu veux que je m'en aille? Eh ben, je m'en vais. Eh ben, attends, si tu veux. Oh! D'abord, qu'est-ce qu'elle sait, la bonne, hein? C'est évident que c'est de la comme point de comparaison que ta poitrine à elle, je t'accorde entre les deux. Ah, il te faut l'avis de gens plus compétents. C'est bien. C'est bien, demain, nous avons le chef de rayon de la parfumerie des Galeries Lafayette et M. Godot à dîner. Eh ben, ça leur montrerai ma gorge. Ils donneront leur avis. Tu es folle? Ah, pourquoi? Tu dis toi-même que c'est pas inconvenant. Inconvenant, quand on est toute nue. Eh ben, je me mettrai toute nue. Tu es folle, complètement. Ah, je les emporte manteau. Ben, nous verrons. Ben, si je les emporte manteau. Tu m'abrutis avec les lardons continuels. Ouais. Ben, hein. Couche-toi, qu'est-ce que tu attends? On ne peut pas rester là en roi soleil, là, toute la nuit, allez. Non? Qu'est-ce que t'as encore? Je m'en laisse. Thomas. Allons, bon, voilà autre chose maintenant. Quoi? Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. Eh ben, c'est bon, va t'en faire de la camomille. Mais qu'est-ce qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah, non, non, non, non, non, merci. Faut pas que tu puisses dire ensuite que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs, puis je les remplis, moi. Bon, bon, bon, très bien, très bien. Allez, allez, allez. Encore, qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Faites de la camomille, là, monsieur. Et allez, mets le réchaud, là, sur la veilleuse. Tu peux en baiser cette fille alors, tu sais, toi. Quoi? Ah oui. Eh, allez donc, prenez les allumettes, là. Oh, cette fille. Non. Ah, par exemple, c'est un con. C'est moi qui l'embête, hein. Est-ce que c'est pour moi, la camomille? Hein? Est-ce que c'est pour moi? C'est mon souper qui n'a pas passé. C'est toujours la même chose. Voilà ce qu'on nous rapporte à nous autres. Les indigestions des ripailles extérieures. Faut pas sa femme suffisante pour ses distractions. On la trouve assez bonne pour vous servir de garde-malade. Ah oui, oh, ça va bien. Oh, oh. Dis donc, ma chérie. Quoi? Dis donc, ça sera bientôt prête, la femme. Oui, oh, ben, laisse le temps, faut mettre sa boue, hein, ah, c'est oui, bien. Oui, oui, quoi? J'aimerais vomir. Ah, non, non, non, tu vas pas vomir ici, je t'ai pas épousé pour ça, non? J'ai pas dit, j'aimerais, j'ai dit, je vais. Tu sais très bien que je ne peux jamais, non, quoi. Ah oui, ah, je sais. Et de la camomille, il y a le sucre. Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là. Je vais demander à monsieur, Annette. C'est monsieur qui est malade. Oui, moi, je me recouche. Oh, si, si, monsieur n'était pas allé faire le polichinelle des yeux. Non, non, non, non. Vous n'allez pas aussi vous mettre de la partie, vous, hein? Oh, moi, je dis ça. Eh ben, allez vous coucher. Oh, ça, je veux bien. Ah, non. Ah, si. Parle à madame. Ah, non, non, non. Si les domestiques s'en mêlent à présent, non, pourquoi hein, tu l'attrapes, cette fille? Elle a raison. Tu n'avais pas été soupée. C'est pas si tu te la regardes, pas si tu veux rendre des comptes. J'ai été soupée. J'étais soupé. J'étais soupé parce que j'avais faim, quoi. Parce que j'étais avec M. Godot et les deux frères espagnols qui ont proposé d'aller manger un morceau. Ben, c'est un crime. Oh non, pas un crime. Ça, évidemment, c'est pas un crime. On est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Oh, ce besoin de souper. Qu'est-ce qu'il y a fait? Tout le monde, chacun son écho. Oh, m'étonne que ce soit pas toi. Ta manie de l'ostentation. Moi? Oh, absolument. Tu es d'un rat dans ton ménage, mais en fait, du moment qu'il y a des étrangers, alors... La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, c'est admirable, la folie des grandeurs. Mais il n'y a qu'à te voir, il n'y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Je te demande un peu, hein. Te mettre en roi soleil par un temps de pluie, c'est ridicule. C'est toi qui es folle. Seulement voilà, ça te flattait, ça te pavanait en Louis XV. 14. Quoi, 14? Oui, le roi soleil, c'était Louis XIV. Hein? Oh, ben, soit Louis XIV. Ah, c'est bien toi, tiens. Tu vas me chicaner pour un louis, hein. Puis quand il s'agit de ton plaisir, bah, tu n'y regardes pas. Si charmant, délicieux. Ouais. Qu'est-ce que t'as dépensé, là, pour ton souper? Tu sais même pas ce que t'as dépensé. 11 francs 75, là. 11 francs 75 pour de la boustifarde. Et puis voilà, c'est qu'est-ce que je disais. Tiens, l'autre jour, mais hein. Flûte, flûte, flûte et zut. Ah, quelle mufle. Dis donc, écoute, écoute, allons, écoute. Bon, tu te lèves encore, écoute. Écoute-moi, l'autre jour, quand j'ai eu malheur d'acheter un flacon de rose cotti, tu m'as dit que je revinais. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 à souper. Mais moi, mon flacon gelé, ma rose cotti, j'en profite, tandis que toi, ton souper. Où est-il maintenant? Mais là, là, là. Ah, là, là, là, t'es bien avancé. Tu aurais pas mieux fait de les mettre de côté, tes 11 francs 75. Pour payer le tapissier, tiens. Je dois 800 francs, tu ne me vois pas lui offrant 11 francs 75. Eh ben, au moins, tu m'aurais prouvé ta bonne volonté. Et si je te parle de lui, c'est justement il est venu aujourd'hui. Ah. Oui, il a déclaré qu'il en avait assez d'être interné. Et si tu lui versais pas un fort à compte, eh ben, il était décidé à t'envoyer du papier timbré. Puis sans galerie la faillette. Oh, tu vois comme ça fera bon effet. Il a dit ça? Oui. Ah, c'est du chantage, alors. C'est bien, c'est joli. Je comptais lui faire un versement. Hein. Quand j'aurais pu. Mais puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et tu vas dépenser 11 francs 75 à ton souper. Non, toi, fous-moi la paix qu'on souper. Hein. Ah, bah, si c'est à ta place, moi, je l'aurai sur l'estomac. Mais hein. Je l'ai, nom d'une brique, je l'ai. Ah, mais crie pas comme ça. C'est vrai, ça va la une heure que tu m'éreintes avec tes discussions. Ça, c'est moi qui discute, c'est moi qui l'éreinte. Je veux pas dormir, non? Si, dormir. Je me couche, je tombe de sommeil. Eh ben, moi aussi, je me couche, alors bonsoir. Bonsoir. Et puis flûte. Et puis flûte. Ah, mon pied, voyons. Mais ton pied, voyons. Oh, oh, oh là, là, là, là. Ne me ferait pas sortir pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à la porte d'entrée. Oh, mon Dieu. Oh. Ça doit pas être une visite. Oh non, pourquoi hein? Ça n'a cette heure-ci, ça ne peut être que quelque chose de très grave. Oui, oui. Encore, oh, Lucien, Lucien, allons, j'ai allons, peur. Allons, de l'énergie. Voyons, il ne faut pas se laisser abattre. Oui. Allez, levons-nous. Oui, oui, mais tu en parles à ton aise, toi, t'es un homme, mais moi. Oh, mais où est mon peignoir, moi? Quelle tuile, encore, oh, quelle mais tuile. Où est-il? Enfin, où est-il? Qui? Mon peignoir, où est-ce que j'ai fourré mon peignoir? Tu tiens la main. Ah oui, oh, oui, oh, cette sonnette me rendra folle. L'autre, l'autre. Ah oui, cette fille. L'autre, là, qui ne bouge pas. Allez, Annette, Annette. Annette, oh. Annette. Annette, dépêchez-vous, vous n'entendez pas qu'on sonne, quoi. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose mais dans non, la famille. Mais non, finirai par me donner le trac. Oh, là. Touche du bois, va, touche du bois. Je comprends bien que si vraiment... Touche du bois, je te dis. Je comprends bien que si vraiment... Mais touche du bois, voyons. Voilà, voilà, voilà. Mais non, pas ça, c'est la cheminée, là, c'est du marbre. Non, tu m'as hurri. Oh, avec la paume, tiens, avec la paume. Avec la paume. Oui, oh, tu seras contre un malheur, toi. Mmh. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette année? Mais allez-vous vous grouiller, vous, hein? Oh, non, j'en ai assez, moi. Madame me paiera mon lit. Oui, là. Oui, allez, dépêchez-vous. Non, dépêchez-vous. Je vais pas crever à la paix. Voulez-vous aller ouvrir, espèce de tête carrée, hein? Madame me paiera mon lit. Oui, oui, oui. Ah, là, cette bonne. Qui c'est qui c'est qu'elle est là? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman, il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé ça. Quelque chose à maman. Ne crie donc pas comme ça, voyons. Oh. Bien, voilà ce monsieur. Oh, Joseph. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Madame. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben répondez au lieu de regarder mon costume, n'a rien d'extraordinaire. Mais, Joseph, allez parler. Un accident. Oh, non. Oh. Ah. Tu vois, pas d'accident. Seulement... Elle ne va pas bien. Maman ne va pas bien? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Oh mon Dieu. Très? Ben, plutôt. Oh Lucien, maman est malade. Alors, voyons. Maman est très malade. Voyons. Quand je dis qu'elle est très malade, c'est une façon de parler parce que, à vrai dire, elle est plutôt... Elle est plutôt... Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... Bon. Oh mon Dieu, Yvonne, elle s'évanouit. Oh mon Dieu, voilà ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame pour ne pas la révolutionner. Ouf, c'est une catastrophe. Au moment où on allait se coucher... Madame, c'est bien besoin de venir nous annoncer ça, vous, hein? Ah, monsieur, on m'a dit... On vous a dit, c'est bien. Aidez-moi, quoi. Oui, monsieur. Oh mon Dieu. Je vais aller chercher du vinaigre et des sels, au lieu de crier mon Dieu. Oui, mon Dieu. On porte madame sur le lit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je tiens madame. Oh, voilà une façon de la tenir. Voyez pas qu'elle n'a pas de corset. Oh, si monsieur croit que je pense à des choses. Je me fiche que vous pensez ou vous ne pensiez pas. Je vous dis de lâcher ça, voyons. Et tenez, voyez, c'était pas de l'éther la bouteille, pas du lit là. Oui, monsieur, oui. Je suis en train de flotter ma femme, non. Mais pas là, sur la table, là, près du lit. Oui, monsieur, oui. Aïe dans les draps. Alors. Voilà le flacon. Sûrement c'en est, monsieur. J'aurais pas donné. Bon, Yvonne, mon futur. Yvonne. Un linge, maintenant. Trouvez-moi un linge. Pour lui... Un linge. Oui, monsieur. Pour lui tamponner le front. Un linge. Où y a-t-il un linge? Je ne sais pas, mon ami. Si vous le savez, je vous le demanderai pas. Cherchez. Ah, ça. Quoi? Ça peut-il faire l'affaire? Je ne sais pas, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faute de mieux. Allez, mettez-vous à genoux. Oui. Roulez ça en tampon. En tampon! C'est pas ce que c'est! Si, monsieur. Allez. Donnez-moi le flacon maintenant. Bon, prenez ça maintenant. Prenez le flacon. Tenez. Le bouchon. Le bouchon, là, dans mes dents, là, le bouchon. Prenez le bouchon, mon Dieu. Allez, donnez-moi de l'éther. Imbibé, mon ami. Yvonne, mon chéri, il va. Yvonne, mon petit chéri. Ah, franchement, vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain matin pour venir nous annoncer des nouvelles pareilles, vous. Oh, si monsieur croit que c'est pour mon plaisir. C'est peut-être pour le nôtre, hein. Yvonne, mon petit chéri, Yvonne. Bon, on a un peu ce qui pressait, hein. Évidemment, cette pauvre belle-mère, c'est très malheureux, mais quoi, d'ici demain matin, tu ne serais pas envolé. Au moins, madame n'aurait pas eu sa nuit troublée, ni moi non plus. Je suis désolé, monsieur, la prochaine fois, je saurai. Voilà le sel, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est la salière. Qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est monsieur qui m'a demandé du sel. De sel, bougre de moule, pas du sel. Pensez pas que je vais saler, madame, mais hein. Que c'est, moi, je suis pas médecin. Allez, c'est bien, voilà, madame, si vous voulez, allez, écartez. Et emportez ça, la chemise, là, emportez. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien, mon Dieu, rien du tout. Alors, pourquoi suis-je parfait? Ah oui! Allons, ce diable, tout espoir n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce qui peut arriver de plus, puisqu'elle est morte? Justement, là, le plus terrible est passé. faut se faire une raison, je veux dire. Bah, je veux dire que pour ceux qui sont avancés la délivrance... Oh, ma pauvre maman. Eh ben oui, ben oui, ben maintenant elle ne souffre plus. Là, là, là. Et tandis que nous sommes là, elle a pleuré debout, elle repose, elle est bien heureuse. Tu aurais dit qu'elle s'en irait si vite. Ah oui, ça fait tout à l'heure, je me demandais comment je paierais le tapissier, je ne me doutais pas, oui. Ah, oh, ma pauvre maman. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Ta pauvre, ta brave et digne et sainte femme de mère. Là, oh, parce que j'ai mal au rein. Allons, dis donc, mon Yvonne. Oui, quoi? Tu veux pas t'asseoir, mon Mais côté. Non, m'asseoir, quelle importance a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? Oui, oui, oui, oh, oui, bon. C'est sous terre que je voudrais être. Oh, ça vous crève le cœur. Mais, hein? Qu'est-ce que vous m'avez mis là sur la figure qui me colle? C'est rien, ma chérie, c'est de l'éther. Quel éther? Il y était dans la bouteille. Mais c'est stupide, c'était du sirop d'éther. En voilà une idée. Sirop? Oh, non. Je n'avais pas lu l'étiquette, je m'étais contenté. Vous êtes malin, mon garçon. D'ailleurs, qu'importe. Quand on a le... Le cœur en croix, là. Manette, allez me chercher un petit peu d'eau, là, pour que je me débarbouille. Oui, madame. Oh, la pauvre chère femme. Te souviens-tu comme elle était bonne? Ah, qui? Mais maman, voyons. Ah oui, oh. Et pourquoi si pleine d'indulgence, excusant toujours, quand on pense que tu l'as bousculée, hein, que tu la traitais, il n'y a pas encore deux jours que tu as été jusqu'à l'appeler chameau. Non, Yvonne. Comment tu peux te laisser aller, hein, à l'appeler chameau? On ne sait pas qu'elle mourra. Oui, ben c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Elle remord de penser qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Oh, que ta conscience s'apaise, va. Je connais mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de ce sentiment dernier en te disant, va, Lucien. On te pardonne. On te pardonne. Tu dors? Hein? Oh, tu dors, ça c'est trop fort. C'est que je te demande pardon, c'est un peu de fatigue. Fatigué, maman n'est plus, il est fatigué. Allez, debout, là. Est-ce que nous ne devrions pas déjà être là-bas? Ah, on va. Bah, naturellement, on va. Tu comptes pas coucher ici, non? Ah, non, non. Oh, et ma chemise de jour, là, oui. Où est-ce que j'ai mis ma chemise de jour, moi? Quoi? La chemise, ma chemise de jour. Ah, la chemise. Ah, ben, je vous l'ai donnée, monsieur Joseph. À moi? Mais oui, mais oui. Ah oui, oui, je l'avais mise dans ma poche, dans l'affolement. Voilà, oui, madame. Comment? Vous avez ma chemise de jour dans votre poche? C'est monsieur qui s'en était servi pour mettre du sirop sur la figure de madame. Oh, sensé, ma parole. Eh ben, dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Pour aller t'habiller. Ah, il faut que... Bah, évidemment, tu comptes pas aller là-bas en Louis XIV, non? Ah, non, non. Se mettre en Louis XIV, hein, quand on perd sa belle-mère. C'est rigolo. Hein. Ah, vous trouvez, vous? Oh, pardon. Annette, donnez-moi mon costume de chevillotte noire, ma cravate noire et des gants noirs. Ah non, ah non, non, non. Tu vas pas t'habiller comme ça, tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance. Ça ne se fait pas. Oui, tu as raison. Ben, le costume que vous voudrez, Annette, mon plus gai. Bien, mon Dieu. C'est vrai, ça. Quant à vous, mon ami. Quant à vous. Hop. Ah, ça me fait que tu perds la tête, quoi. Quoi, tu changes de chemise ici, à présent? Oh, je t'en prie, mais écoute. Mais pas du tout, tu vas pas te mettre toute une vase domestique. Oh, si c'est pour moi. Mais évidemment, c'est pour vous. Ah, non, non. C'est quand je perds ma mère et voilà à quoi il regarde. Si j'ai une chemise ou si j'en ai on pas. Tu perds ta mère et être convenable. Oui, oh, tais-toi, va, tais-toi. Bon, voilà la robe de madame. Bon, eh ben, venez l'en m'aider à m'habiller. Oui, madame. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Ah, si vous croyez que c'est rigolo tout ça. Écoutez, ma fille, je sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous ici. Mais ça hein. Va servir. Eh ben, c'est bien, allez. Foutez-moi le camp, hein. Oh, madame, quelle baraque. Voyons, mon ami, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Oui. Vous êtes intelligent? Oui, monsieur. Bon, alors voilà. Vous allez... Mais où allez-vous? Où allez-vous? Je ne sais pas, monsieur. Ah, vous êtes malin. Oui, ah, vous êtes malin, oui, c'est vrai. Avec ça, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, oui, oui. Eh ben, quoi? Je vais écrire, pas besoin de vous. Allez vous asseoir. Oh, pardon. Oui, très bien. Allez. Ah, j'étais pas sûr, allez, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame, mais vrai. J'aurais mieux aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie des millions plutôt qu'une nouvelle pareille. Taisez-vous, mon ami. Aussi, ça a été un rude poids de moins quand j'ai vidé mon sac. C'est vrai, je ne voudrais pas avoir à recommencer. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Oh, pardon. Oui. Annette! Annette! Voilà, c'est fait. Annette! Mademoiselle! Monsieur vous appelle. J'appelle madame, monsieur. Je vais attendre un instant, oui. Oui. Ça ne sera pas long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de jour. Hein? Oh! Oh, ça, c'est trop fort, là. Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer là votre nez, vous, hein? C'était pour obliger, monsieur. Oh, taisez-vous donc! M'obliger. Ah, oui. Allez, dépassez-moi plutôt mes vêtements. Là, là. Oui, monsieur. Ah. Et là, venez ici. Oui. Allez, aidez-moi. Oui. Dites-moi, vous avez un fiacre en bas? Oui, monsieur. Bon, alors, il n'y a pas de temps à Berne. Oui, surtout que c'est un taxi auto, ça grignote. Non, mais tant pis, c'est tous les... pas tous les jours fait. Oui. Quoi? Comment, hein? Non, enfin, quoi, vous me comprenez. Ben, qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Mon pantalon. Monsieur a besoin de moi. Hein? Oui, madame est prête? Bientôt. Ben, qu'est-ce que vous me demandez, vous? Si monsieur a besoin de moi. Mais non. Ah, si! Si, tenez, ma fille, il y a là de lettres sur la tablette du secrétaire. Vous allez descendre et les mettre à la poste. Maintenant? Mais naturellement, maintenant. Il faut qu'elle soit distribuée demain à la première heure. C'est gai. Allez, mon gilet, mon veston. Eh bien, Annette, où allez-vous? Où allez-vous? Je vais mettre une jupe. Une jupe, une jupe. Je croyais qu'on fera attention à vous à 5 heures du matin. Mais je peux pas aller comme ça en jupon, c'est pas correct. Eh ben, prenez un vater-pouf. J'ai pas de vater-pouf. Eh ben, prenez mon par-dessus qui est en t-shirt. Oh, ben, c'est égal, c'est pas correct. Ça va bien, allez. Mais c'est pas que je vais avoir l'air d'une femme douteuse. Eh ben, si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Mais comme une grue, non, tout de même. Ah, ben. Joseph, donnez-moi mon... Donnez-moi mes souliers. Oui. Là. Oui. Ah, on est de garde dégourdi, mon ami. Dites-moi, qu'est-ce que c'est votre auto? Une Renault. Petite rouge? Oui. Tant mieux, ça va plus vite et c'est moins cher. À cette heure-ci, c'est une veine de l'avoir trouvée. Ah oui, ça c'est de la veine. Il n'y a pas à dire, nous sommes en veine, oui. Voilà, alors moi je suis habillée. Tu es prête, toi? Voilà, tout de suite. Joseph, vous avez une voiture? Oui, madame, en bas. Une Renault, une petite rouge, ça va plus vite et c'est moins cher. Voilà, oui, mon chapeau, voilà. Eh bien, je suis prêt. Mais ta perruque! T'as gardé ta perruque! Tu vas pas sortir avec ta perruque! Ma perruque! Ah, tu m'as huri, tu m'as huri. Oh, mon Dieu. Au moment de partir, le courage me manque. Ben oui, ça ne m'amuse pas non plus, mais il y a de cruels devoirs dans la vie, hein. Allez! Joseph. Dites-moi, mon ami. Madame. Elle n'est pas trop changée, au moins. Oh, non. Du tout. Pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante, elle avait mangé de bon appétit à dîner. Deux tranches de gigot. Après le dîner, elle avait fait deux ou trois patiences. Puis, elle est allée se coucher avec monsieur. Oh, ma pauvre. Monsieur. Monsieur. Maman était couchée avec un monsieur. Quel monsieur? Mais, monsieur Fajolet. Le père de madame. Mon père. Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Oh, mon Dieu. Vous n'êtes donc pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette? Mais non, monsieur, nous ne sommes pas les Pinvinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinvinettes? Sur le palier à droite, les Pinvinettes. Eh bien, c'est pas le palier droit. Mais ici. Non, monsieur, c'est le gauche. C'est le droit quand on sort de l'ascenseur et le gauche quand on prend l'escalier. Vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh, mon Dieu. Quoi? Voilà. Oh, mais là, il va falloir que je recommence à annoncer. Oh, mais pensez pas que je vais y aller pour vous, hein. Oh, recommencez-moi, qu'est-ce que je suis content d'être débarrassé. Il paraît. Je vais vous donner des émotions en vous annonçant que votre mère est morte quand elle ne l'est pas. Madame, je suis désolé. Non, taisez-vous, non. Foutez-moi le camp, espèce d'idiot. Ah, maladroit. Prétend. Mais monsieur, c'est pas de ma faute, vous devriez être content. Content. Brut. Abécile. Fameux. Mais c'est trop fort, par exemple, vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous foutre le camp? Vous voulez vous en aller? Foutez-moi le camp, je m'en souviendrai. Foutez-moi le camp, je vous dis. Oh, ben alors, ça c'est bon. Quelle brute. Oh, vous donnez des coups pareils. Eh ben, dis donc, la voilà, ta mère, hein? Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que quoi, tu as? Qu'est-ce que je dirais au tapissier, moi, maintenant, quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte et que ça fait une blague? Comment, quand il apprendra, t'as qu'à pas lui apprendre. Mais je lui ai écrit. Chuchard? Évidemment, puisqu'il nous en embête, cet homme. Oh. J'ai annoncé que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Trop fort. Tu es ce qu'on fait, maman? Ça, c'était une blague. Oh, le chameau. C'est maman qui avait le chameau. C'est maman qui avait le chameau. Ah oui, misérable. Allons, c'est le domestique qui vient de sonner à la porte à côté. Je m'en fous. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Eh ben, tu te réjouis du malheur des autres. Tiens, quand on s'est appuyé de moi. Ah, plus tout. Ah, mon Dieu, les lettres. Quoi? Les lettres que j'ai envoyées. Quoi, quelles lettres? Nous voilà bien. Quoi, donc. Quoi? Oui, les lettres. Ma lettre à Borgnole. Bon, j'ai écrit à la maison Borgnol de me dire demain matin c'est ta mère pour t'entendre pour le convoi. Ah, c'est ça? Ah, c'est du jeune. Mais tu veux donc la tuer? Mais tu veux donc ça, pauvre? On va prêter pour envoyer une dépêche demain matin. Misérable, il veut tuer, maman, il veut tuer, maman. Maman, dormir. Scélérate, ça fait. Oh, il voulait monsieur. Écoute, arrêtez, je vais vous parler, maman. Oh, il a dit les 100 emportements. Oh, la barre, hein. Il a dit que j'avais les 100 emportements. La barre. Vous venez d'entendre « Feu, la mère de Madame », pièce en un acte de Georges Feydeau interprété par des acteurs de la Comédie française. Monsieur Pierre Bertin dans le rôle de Lucien. Monsieur Meyer dans celui de Joseph. Madame Madeleine Renaud dans le rôle d'Yvonne. Madame Catherine Fontenay dans celui d'Annette.